cas, beaucoup de gens parmi les fanatiques des mazahib, ils déforment les adillah pour que ceci coordonne avec leur mazhab. Ils font pas sans que le mazhab suive le dalil, mais que le dalil suive le mazhab, car leur but c'est de sauver le mazhab et pas la sunnah en fait. D'accord? Donc ils vont prétendre que tel dalil est abrogé alors qu'il ne l'est pas. Ou alors un dalil qui sera vraiment abrogé, ils vont vouloir le rendre effectif alors qu'il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que cela coordonne avec leur mazhab. وهذا خطير جدا التعصب لما تمذهب c'est juste qui est dangereux ce qui divise la communauté et amène à ce que les gens suivent les individus et non pas le dalil. Aujourd'hui tu vois plus les gens dire قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابه directement dans le mazhab on dit telle chose, dans le mazhab on dit telle chose, chez les malikites c'est comme ça, chez les hanbalis c'est comme ça. Je dis mais on veut savoir en premier lieu dans le coran c'est quoi qui a été dit, après dans la sunna c'est quoi qui a été dit, après chez les sahaba c'est quoi qui a été dit, et après cela, naam, qu'est-ce qui était dit chez les imams? Mais tout de suite, maintenant, c'est le mazhabi dit. Mais chez les malakites, c'est comme ça. Mais chez les hanafites, c'est comme ça. Après, les gens, tu les perds. Déjà, ils ne sont plus accrochés au wahi, ils sont accrochés au mazhab. Ils sont accrochés au mazhab. Et parmi eux, tu en as même, lorsque tu leur dis, par exemple, il est sur un mazhab, il a appris le mazhab de cette façon, on le dit dans la sunna, c'est telle chose. Oui, mais dans le mazhab, c'est comme ça. Là, ils rentrent là-dedans. Là, on te dit que le hadith dit telle chose. Et tu dis le mazhab, c'est comme ça. Il a dit quoi, l'imam Malik, son call contre la sunna, lui-même, il a dit, jeté contre le mur. Et ces quatre a'immah n'ont jamais appelé les gens à s'apparenter à eux et à suivre un mazhab qu'ils auraient établi. Eux, c'était quoi, l'imam Malik, son but? Suivre la sunna. C'était quoi, l'imam Ahmed, c'est quoi son but? Suivre la sunna. L'imam Shafi'i, c'est quoi son but? Suivre la sunna. Pas suivre un mazhab. Et les mazhabs sont venus après eux. D'accord? Donc ce sont des choses que les gens ont inventées par la suite. Donc il n'y a pas lieu de prédominer sur eux, de s'y accrocher comme si c'était ça la religion. Maintenant, étudier les mazahib, savoir leurs avis, il n'y a pas de mal pour en profiter. Mais s'y apparenter, s'y attacher, s'y accrocher et en faire une voie de conduite, ça non. Alal c'est mon eddin. D'accord? Et ça on le trouve même aujourd'hui chez plein de gens avec des savants. Ils disent je ne suis pas pour le mazahib et pourtant ils se comportent comme les gens du mazahib avec ce savant. Et là, j'aimerais lire une parole de l'imam Ash-Shawkani dans son livre Adab al-Talab par rapport à cette mas'ala-là que l'on vit encore aujourd'hui et qui perdurera malheureusement par rapport à ces gens qui s'accrochent à un individu jusqu'au bout et n'acceptent aucune parole qui s'oppose à ce qu'il a dit. « Yaqul, أنهم يعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه أي دينه بطول نعم ثم قبلت كل عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزيارة الإمام الأيام والليالي حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة جارية على وفق الشريعة ليس فيها خطأ ولا ضعف. Donc il a dit, ces gens pour croyance que leur imam, celui qu'ils imitent aveuglément, il n'y a personne parmi les ulama de la sunna qui le vanne. Personne n'est à son échelle. Personne n'est à son niveau. Ensuite, leurs raisons ont accepté cela. Et ont pris comme cette croyance qui est fausse. Et cela s'est amplifié avec les jours et les nuits à tel point qu'ils sont arrivés à dire que toutes ces paroles elles sont authentiques. D'accord? Et que tout ce qu'il dit coordonne avec la charia. Il ne peut pas se tromper. Et qu'il n'y a aucune erreur ou aucune faiblesse dans ce qu'il va dire. وَنَوْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْأَدِلَّةِ الْوَالِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ عَلَى وَجْهِ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا تَخْفَ مِنْهَا خَافِيَةٌ. Et qu'à tel point qu'il a dit, il est le savant des hommes, le plus savant des hommes, il connaît le plus toutes les preuves qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna, que rien ne peut lui échapper. فإذا سمعوا دليلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه ولم يتركه ولكنه تركه لما هو أرجح منه عنده فلا يرفعون لذلك رأسا ولا يرون بمخالفة بأسا. Donc ils ont dit, lorsqu'ils ont donné un dalil, on leur donne un dalil du kitab de la sunna, et ils disent si jamais cela était vrai notre imam n'aura pas délaissé. Il l'aurait suivi, il l'aurait pris. Cependant, s'il n'a pas pris, c'est qu'il a un avis qui est plus fort que cela. Donc, eux ne prennent plus en compte le dalil et ne voient aucun mal à transgresser le dalil. Pourquoi? Parce que leur imam n'a pas vu ce dalil-là. Donc pour eux, leur imam, même si dans leur langue, comme on l'avait dit l'autre jour, bil-lisan al-maqal, lakin bil-lisan al-hal, ils vont dire, non, ce n'est pas infaillible. Ah, mais dans tes actes, tu leur rends infaillible. Pourquoi? C'est quoi qu'ils disent, tu acceptes, et quoi qu'il soit réfuté, tu n'acceptes pas, et voire pire encore, celui qui n'est pas d'accord avec lui, tu le prends en ennemi. Tu le prends en ennemi. Si quelqu'un, tu lui dis, un tel, il a tort, pour toi, on dirait que, justement, comme l'a dit Ibn Abbas, que les pierres sont tombées du ciel. Tu vois? C'est une azima que de le dire, cher, un tel s'est trompé. C'est inacceptable pour eux. Voire même, si jamais tu es un salafi, pour eux, ils doutent de toi. Pourquoi? Tu dis que cher, un tel s'est trompé. Toi, je doute de ta salafi. T'es pas clair. T'es pas clair. T'as un problème. Pourquoi? Parce que tu dis que cher, un tel, il a tort. Je dis, oh non, tu dis qu'il a tort. Tu dis qu'il a tort. Donc voilà. Donc t'as des gens, c'est ça. Si jamais tu n'es pas d'accord avec un cher, dans ce qu'il dit, à ce moment-là, ta salafi, elle est remise en doute. Toi, il y a un problème en toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord, cher un tel. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord? Maintenant, tu exposes tes preuves. Tu exposes tes preuves. C'est pas si je ne suis pas d'accord, tu te tais comme ça. Parce qu'il se peut que le cher ait vraiment raison, toi, t'as tort. Tu vois? Donc dis, lui, le fait qu'il a tort, voilà, c'est fini. Je te donne mes preuves. Je ne vais même pas écouter tes preuves. Je ne vais même pas écouter. Après, écoute ce qu'il va te dire. Non, je ne vais même pas écouter. Tu as des chebouettes, tu vas m'attendre de chebouettes, je ne vais pas parler avec toi. Et subhanallah. Tu vois. Donc là, tu entends te dire que Shaitan est infaillible. Tu vois. Donc ces gens-là, tu leur exposes. Tu veux leur exposer les preuves. Et la parole fidèle, ça va être quoi? Non, les savants vont parler, je ne veux pas écouter. Pourquoi il y a eu Ijma de la Ummah que... L'Ijma, c'est un dalil, je suis d'accord avec toi. Mais il y avait Ijma de la Ummah, d'accord avec toi. L'Ijma, c'est un dalil. Il n'y a pas Ijma. Donc nous te montrer le côté du khilaf, l'autre côté pour que tu fasses écouter et après tu joues par toi-même. Non. Non, il a peur, il sauve. Tu vois? Et après, il va dire un tel, il n'est pas clair, pourquoi il n'est pas d'accord avec le ulama. Non, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de ulama. Un tel et un tel, c'est tout. Et sur une question, ce n'est pas sur tout non plus. Tu vois? Mais ça, pour eux, c'est inacceptable. Oli azabillah. Donc ça, c'est le fikr des ashab al-mazahib. Il est présent aujourd'hui, d'accord, même chez des gens qui disent que ça porte au mazahib, ils ont ça, ils ont un imam. L'imam, tu ne peux pas le contredire. Ah, tu ne peux pas le contredire. Et ils disent, pareil pour nous, vous avec le hajjuli, vous faites pareil. Il y a plein d'accords de hajjuli, je ne suis pas d'accord avec lui. Cheikh Al-Hal a des avis, je ne suis pas d'accord avec lui. Et Cheikh Al-Hal dit pareil sur des gens, et j'ai cherché c'est quoi la cause. Pourquoi il a dit ça sur un tel ou un tel ou un tel. Tu vois? Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Seulement, comme il a dit ça sur Ted Masala, il a mis les preuves, j'ai accepté. Mais vous, l'autre côté, des gens sont parlés, ils sont venus avec faux semblant de preuves, on a réfuté ces preuves, vous voulez pas écouter les réponses. Ah, ta'assoub. Alors demain, tu montres que Shariha, il a dit telle chose, et il y a un délit qui contredit ce qu'il a dit, donne. Et si jamais tu as raison, je vais accepter, Bizna Ta'ala. Je vais accepter. Alors, plein de machines au Yémen, des accords de Shariha, ils sont pas d'accord avec lui. On est Masalfi Kriya, Masalan. Ou autre. Mais tu as des gens, non. Tu vois. Et c'est arrivé que maintenant, ça a causé ce qu'on parle de l'autre jour, là, la division. Le ta'assoub de l'ashras. Également, donner raison à un cheikh, alors qu'il a raison, c'est pas le ta'assoub. S'il a raison, c'est pas le ta'assoub. C'est tiba al-haq. D'accord? Et si un cheikh a très souvent raison, c'est pas le ta'assoub. D'accord? C'est pas le ta'assoub. On dit, ah, la cheikh, ghalib à quoi il est, ça va. Tu vois? C'est pas le ta'assoub. Ta'assoub, c'est quoi qu'ils disent, il a raison. Quand on te montre qu'il a tort, tu restes accroché, il a raison. Ah, la ta'assoub. Quand Yassil, le ta'assoub, Yassil, il est. Ta'assoub, le fanatisme, il amène à la marsiya, il amène à la bid'a, et il amène au shirk. Le taqlid, il amène à ça. Parce qu'il t'amène à quoi? À faire devancer la parole d'une créature, que celle du créateur, celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça amène à quoi ça? Au shirk. D'accord? Et ça amène à la bid'a, t'en fais un menhaj. Comme la salle de ta'assoubine, le muta'assoubine, c'est le tamazhoub. C'est peut-être pas forcément tous, tu vois. C'est le gharib. Quelqu'un, il a un mazhab. Une fois, on a parlé avec lui, il avait un mazhab. On lui dit, « Ahi, on te donne un dalil. » Ouais, mais si jamais je prends un dalil, je ne suis plus le mazhab, ça veut dire. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire, nous dire là ?« Hada wa miya bil miya. » On lui dit, « Si je prends ton call, c'est quoi l'intérêt chez un mazhab, c'est pour prendre un autre dalil. » Je ne suis plus un mazhab à ce moment-là. Je dis, « Non, ça qu'on te dit. » On dit, « Ce que le mazhab, il dit qu'il est vrai, prends-le. » Mais sans dire le mazhab. Dis le dalil, et après tu dis, « Eh, le mazhab. Fulani correspond à ce dalil. Masalan. Non, lui te dit, si jamais je prends ça ou ça ou ça, ben c'est quoi la fidèle sur un mazhab alors? Ah non. Non. Et quand les gens ont, leur dit cela, ils disent, ouais, vous êtes... C'est nous les mutadia après ça. Tu vois? C'est nous les bizarroïdes. Non, ça c'est un os. Ah non, l'os, le os c'est qu'il n'y a pas de mazhab. Le os dans le lit, c'est qu'il n'y a pas de mazhab. Les mazhabs sont arrivés après les kurul mufaddala. Après les atba'a tabi'in. Ou atba'a tabi'in, je veux dire. Donc, nous on reste sur le os. Le salaf, ce qui était en général là-bas, c'est ce qui était avant. D'accord? Ce qui était avant. Et on répète que les imams des mazahib n'ont jamais appelé à ce qu'on s'affilie à eux et à suivre un mazhab. Et il y avait d'autres mazahib qui existaient à leur époque. Cependant, Allah Azza wa Jalla a fait que ces quatre-là qui sont restés. Mais sur une théorie, comme on disait tout à l'heure, il y avait un mazhab. Tu avais plein d'aïmma, certains disaient même que certains mazahib étaient plus forts que ceux qui sont là maintenant. Mais cependant, ils n'existent plus. Des mazahib, il y en avait plein. C'est-à-dire, c'est un mazhab, c'est quoi? C'est le ism mekan de Zahaba. Ce à quoi tu vas. D'accord? Ce à quoi tu vas. C'est un mazhab. Donc, le mazhab, il faut rappeler dans plein de situations. Tu vois? Mais les mazhab, peut-être que les gens les appellent aujourd'hui, c'est les écoles juridiques. Et sont basés sur ces quatre-là. Mais le mazhab en lui-même, il est plus large que cela. On peut l'employer dans plein de situations. D'accord?